comme ça que la société peut dormir en paix, bien rassurée. Écoute bien ton médecin, prends toujours ton Ritalin. Alors tous tes professeurs pourront te parler sans avoir peur. Il y a trop de réponses dans les structures. Il y a trop de réponses dans les structures. Il y a trop de réponses dans les structures.